rejouer toute cette merde. Tu veux mon cœur dans la gueule? Bonsoir et bon vendredi. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. On est ensemble pour la prochaine heure pour entendre de l'indie rock et tout ce qui gravite autour. On va avoir ce soir une émission, je crois, quand même pas pire. Il va y avoir de la musique de Sunshine Factory, Dune Rats, Swerve Driver, ne pas confondre avec Screwdriver, qui est vraiment complètement d'autres choses. Également musique de deux autres et de Speedy Ortiz. On va commencer avec une nouveauté. Enfin, un album qui est sorti au mois de mars dernier, un album qui s'appelle Goose Bumps de la formation de San Diego, Heavy Hawaii. On écoute tout de suite la chanson Born to Ride. Teenager avec Cops But Not. Et c'est une formation ça, de Toronto, ces Teenagers-là. Et ils sont signés également sur le label de Toronto, également la ville de Robford, Telephone Explosion. C'était la chanson, je vous le disais, c'est ça, Cops But Not, de leur album Fright, qui est sorti l'année dernière. Et avant ça, c'était d'autres Canadiens, cette fois-ci de Vancouver, trois filles de Vancouver. La chanson Social Anxiety de la formation de Courtney's qui sortait pas vraiment un hasard. En fait, c'était aujourd'hui que paraissait leur tout premier album de Courtney's. Ils ont d'ailleurs fait un vidéo style VHS pour le premier single Social Anxiety qu'on a entendu. On va maintenant continuer avec une autre nouveauté. C'est maintenant la formation Dune Rats avec une chanson pas mal estivale. Elle s'appelle même Stoner Pop, cette chanson de Dune Rats. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Ah, le bruit des vagues. C'était la vieillerie de la semaine, Duel de Swerve Driver. Une formation d'Oxford en Angleterre, fondée il y a maintenant quasiment 30 ans, en 1984, et qui s'est séparée en 1998 pour revenir finalement 10 ans plus tard, en 2008. Donc, ils sont de retour. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau matériel de prévu, mais ils ont déjà réédité leurs 3 premiers albums, parus, c'est ça, donc dans les années 80-90. Et sinon, eh bien, la chanson que vous avez entendue, Duel, était, en fait, se retrouve sur l'album Mescal Head, qui est sorti en 93 et qui fait donc partie de ces 3 rééditions-là. Et album pour lequel, donc, ils ont eu vraiment le plus de succès avec la chanson qu'on a entendue, Duel, et qui leur a permis à l'époque de faire même une tournée avec The Smashing Pumpkins. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Voilà, donc, pour Swerve Driver, qui célèbre bientôt son 30e anniversaire. Et je parie que vous n'aviez pas nécessairement remarqué que c'était une chanson qui avait été enregistrée il y a 20 ans, tellement que ça sonne comme plusieurs groupes qu'on a entendus dans l'émission de ce soir, ou on entend à l'émission habituellement, ou qui produisent des chansons ces temps-ci. Juste avant, Swerve Driver, c'était Songs avec The Country, tiré de leur album Malabar. On va continuer maintenant avec une autre nouveauté intéressante, toujours sur Bleeding Gold Records. L'album C'est It de Just Handshakes. Voici Kiwai sur les ondes de CISM. Yeah. une nouvelle chanson de The Sunshine Factory qui s'appelle Marigold I Know, et une chanson que vous pouvez télécharger gratuitement sur thesunshinefactorymusic.com. Et si vous manquez le nom d'une chanson qui tourne pendant l'émission, ça se retrouve quelques minutes après la fin de l'émission sur le CISM893.ca. Donc rendez-vous là dans quelques minutes après la fin. On va continuer maintenant avec un segment dans lequel il y aura du rock en français, donc une première pour l'émission de ce soir. Mais avant ça, on continue avec encore un peu de shoegaze, cette fois-ci de la part de Barn Burning, des jeunes gens de Berkeley en Californie. Voici Dead Inside sur l'émission ou à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Hey, jusqu'à 22h, c'est l'émission Le Terminus qui se poursuit. Et vous venez d'entendre Arachno Botanique de la formation Il danse avec les genoux de leur album du même nom, c'est-à-dire Arachno Botanique, sorti l'année dernière. Juste avant, c'était les Américains, deux autres, qui ont, au fil de leur carrière, sorti quelques chansons en français, dont celle qu'on a entendue, qui s'appelle Jamais, qui se retrouve sur Broken Bow, leur album sorti en 2010. Et je me demandais, en écoutant la chanson, parce qu'ils ont un petit accent quand même anglophone, c'est sûr, quelles étaient les paroles de cette chanson-là. Eh bien, on a les paroles dans la pochette et je vais vous les lire. C'est très, très simple. Donc, les paroles de la chanson « Jamais » sont comme si. « Je n'ai jamais habité ici. J'ai trouvé le mot pour ça. Allez, encore une fois. » Et là, on répète ça pendant 2 minutes 30 et ça fait une chanson en français pour les Américains. Deux autres. On va continuer avec maintenant Speedy Ortiz, leur chanson Silver Spring. Et ces gens-là viennent de sortir un 7 pouces, c'est ça, avec deux chansons. Mais bon, je ne sais pas encore apprivoiser ce 7 pouces-là. Pour l'instant, on va entendre une chanson qui est sur donc, leur EP sorti l'année dernière, Speedy Ortiz. Show me mine, I'll show you yours, I'm discovering. Everybody's got bed sores, better, better in. Clean the skin or scratch it off, there's no salvaging. That skin suffering from the rot. In a cave with shallow. Let's go. face B avec Nos Chances de l'album des Faux-Semblants. Et face B font une espèce de rock le français comme leurs compatriotes, par exemple, Deportivo, une espèce de rock assez lourd avec un gars qui crie là, vraiment dans toutes les chansons. Donc, si vous aimez, jetez-vous sur leur album des Faux-Semblants. Et sinon, je crois qu'ils ont du nouveau matériel qui s'en vient. Ils ont quelques chansons, nouvelles chansons qui sont disponibles sur leur Bandcamp. Dans quelques instants, c'est Zika Mendes qui arrive avec son émission La Main Faille pour la prochaine heure. Je vous invite donc à rester là. Sinon, pour écouter l'émission de ce soir, je vous invite également dans quelques minutes, à vous rendre sur le CISM893.ca pour la retrouver. Sinon, les archives de l'émission, c'est toujours sur leterminus.ca. On va se quitter avec la musique des Brooklynois de Sua. S-U-A-A, avec une espèce de ligne couchée, là, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Donc, soit la chanson Sunday Sweetheart. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle vendredi prochain, 21h, pour une autre édition du Terminus. Ciao!